Autour de la règle, celui qui dit à son frère mécréant, cela se retourne contre l'un des deux. Abu Abd al-Rahman al-Uthaybi, rahimahullah. Les savants murji et les savants gouvernementaux aggravent ce hadith aux yeux des gens, au point qu'il est établi chez certains étudiants en sciences que quiconque traite un musulman de mécréant est un mécréant, et cet avis est faux, et qui mènera beaucoup d'étudiants à s'abstenir de juger les tawarites mécréants. On trouve chez eux certains qui s'abstiennent même de les traiter d'injustes. Mais l'aspect ténébreux de cette parole s'éclaircit dans plusieurs points. 1. Omar ibn al-Khattab traita Habib ibn Balta de mécréant lorsque ce dernier commit un grand crime, mais qui n'atteignait pas la limite de la mécréance. Nous savons cela car Allah l'appela au nom de la foi. Ô vous les croyants, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre pour alliés. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut conquérir la Mecque, Hatib écrivit une lettre aux habitants de la Mecque pour les en informer. Omar dit alors, laisse-moi trancher la nuque de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'emblâma pas, ni ne se fâcha pour cela. Mais il lui dit, ne sais-tu pas, Omar qu'Allah se pencha sur les gens de Badr et leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ce récit est rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à Omar, tu es un tekfiri qui juge les musulmans mécréants. Tu fais partie des khawarij, comme le disent aujourd'hui les savants gouvernementaux aux monothéistes. Et Al-Bukhari utilisa ce hadith pour ouvrir le chapitre qui intitula « Celui qui ne voit pas le verdict de mécréance sur celui qui le dit par erreur d'appréciation ou par ignorance ». Ibn al-Qayyim dit au sujet de l'histoire de Hatib et des conclusions qu'on peut en tirer. Il y a dans ce récit, lorsqu'un homme accuse un musulman d'hypocrisie ou de mécréance par erreur d'interprétation ou par colère pour la religion d'Allah ou de son messager, et pas par passion ou autre, il ne devient pas mécréant pour cela, ni même pécheur, mais il est même récompensé pour son intention. Contrairement aux gens des passions et de l'hérésie, eux, ils traitent de mécréants et d'hérétiques celui qui s'oppose à leur passion, alors que ce sont eux qui méritent le plus ces accusations. Voir dans Zayd al-Mu'ad 3, 372. 2. L'histoire rapportée par Al-Bukhari, le hadith de Jabir ibn Abdullah, qui raconte que Mu'ad faisait la prière avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis des gens arrivèrent, et Mu'ad dirigea la prière avec eux, et récita la sourate Al-Baqarah. Un homme quitta les rangs et pria seul, en récitant des sourates courtes. Lorsque Mu'ad la prit, il dit « C'est un hypocrite ». Alors l'homme en question partit chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète ne fit aucune reproche à la parole de Mu'ad, mais bien à la durée de la prière, et lui dit « Veux-tu être un fauteur de troubles, Mu'ad ? Récite des sourates courtes comme « Washamsi wa duhaha » ou « Sabbih isma rabbika al-a'la » 3. Lorsque Husayd ibn al-Hudayr, le fils de l'oncle de Sa'd ibn Ubada, dit à Sa'd « Tu n'es qu'un hypocrite, tu discutes en faveur des hypocrites » comme le rapporte Al-Bukhari. Husayd traita donc Sa'd ibn Ubada d'hypocrite car il discutait en faveur des hypocrites. Et il s'agissait ici de Abdullah ibn Ubayd Salul, alors que Sa'd ibn Ubada est bien connu. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé Husayd et ne lui a pas dit « tu es un tekfiri khariji », comme le disent les savants gouvernementaux par vénération pour leur tawarit. Il n'existe aucune personne pratiquant le tawahid et l'exposant et désavouant les tawarit sans que cela dise ce genre de paroles. Cela arriva même à Muhammad ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il exposa le monothéisme et insulta les tawarites et les combattit. Les savants du mal dirent de lui, c'est un khariji, un tekfiri. Tout comme aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous demandons à Allah de nous protéger de l'égarement après la guider. Quant à la signification du hadith, cela revient sur l'un d'eux. Cela veut dire le péché, dans le sens où celui qui le fait est dans le péché, et que cela ne lui est pas permis. Mais celui qui dit c'est de la mécréance, sa parole est faible et très éloignée. Il faut faire attention à cela. Et celui qui veut plus de détails à ce sujet, qu'il revienne à ce qu'a expliqué Cheikh Abdullah Abu Boutaïn dans Majmou' al-Rasa'il al-Najdiya 5, numéro 511. Cheikh Abdallatif ibn Abdarrahman dit « Celui qui traite certains pieux de mécréants par erreur d'appréciation ou par erreur, et qu'il fait partie de ceux qui peuvent faire des efforts d'appréciation, ceux de ce genre-là n'ont pas de péché dû à leur effort de trouver la justice, comme dans l'histoire de Hatib. Omar le traita d'hypocrite et demanda au messager d'Allah la permission de le tuer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Ne sais-tu pas, Omar, qu'Allah se pencha sur les gens de Badr et leur a dit, « Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. » Malgré cela, il ne gronda pas. Malgré cela, il ne le gronda pas pour ce qu'il dit sur Hatib, qu'il est un hypocrite. Allah a dit, Seigneur, ne nous punis pas si nous oublions ou nous trompons. Et il est confirmé que le Seigneur, tabaraka wa ta'ala, après que ce verset fut révélé et récité par les croyants, il dit, je l'ai fait. Quant à celui qui traite de mécréant, quelqu'un de cette communauté, en se basant sur une preuve et un texte du Coran ou de la Sunna, et qu'il a vu une mécréance claire comme l'association à Allah, l'adoration d'un autre que lui, ou se moquer d'Allah, ou de ses versets, ou de ses messagers, ou les démentir, ou détester ce qu'Allah a révélé comme guidée et religion de vérité, ou renier une description d'Allah ou un des attributs de sa majesté. Celui qui traite une telle personne de mécréant est récompensé, et il a raison. Et il ne fait par là qu'obéir à Allah et son messager. Voir dans Dhur al-Douz, numéro 260-261. Et Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Boutain fut interrogé au sujet du hadith. Celui qui traite un musulman de mécréant est un mécréant. Il répondit, cette version du hadith n'est pas connue de nous comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hadith connu est celui qui dit à son frère mécréant. Alors cela se retourne contre l'un des deux. Celui qui accuse un homme de mécréance ou de perversion ou d'hypocrisie par erreur d'appréciation ou par colère pour Allah, alors nous espérons qu'il sera pardonné. Comme quand Omar, qu'Allah l'agré, dit sur Hatib qu'il est un hypocrite. Cela arriva à d'autres compagnons. Quant aux ignorants qui disent « vous jugez les musulmans mécréants », ceux-là ne connaissent ni l'islam ni le monothéisme. Apparemment, l'islam de celui qui dit cela est invalide, car celui qui ne blâme pas ces choses que font les idolâtres aujourd'hui et ne voit rien de mal dedans, ce n'est pas un musulman. Voir dans Majmou' al-Rasa'il ou al-Masa'il al-Najdiya, volume 1, numéro 654-655. Sache qu'il n'y a que 4 cas possibles de personnes qui traitent un musulman de mécréant. 1. Celui qui refuse le verdict d'Allah et le dément. 2. Celui qui le fait pour plaisanter et jouer. 3. Celui qui le fait par erreur d'interprétation. 4. Celui qui le fait par effort de justice et se trompe. Quant au premier, celui qui refuse le verdict et le dément, sa mécréance est flagrante. La justification de sa mécréance est qu'il s'est permis à lui-même de s'opposer à Allah et de décrire les choses différemment de ce qu'Allah a décrit. Comme si Allah disait d'une chose, c'est permis, mais que lui dise, sans aucune excuse valable, non, c'est interdit. Ou bien, Allah dit, celui qui fait cela est un croyant, et lui dit non, celui qui fait ça est un mécréant. Il donne aux choses un autre statut de ce qu'Allah leur a donné. Ce qu'Allah décrit comme étant de la foi, il le décrit mécréance. Une telle personne est mécréante sans aucun doute, et elle sort de l'islam. Pour le deuxième, celui qui le fait pour jouer et plaisanter, il ne fait également aucun doute de sa mécréance. Car Allah a dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager, que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Pour le troisième, celui qui le fait par erreur d'interprétation, celui-là est pécheur, car il a jugé sans science, mais avec ignorance. Mais il ne devient pas mécréant, car il y a probabilité de présence d'une confusion, une mauvaise déduction des textes qui empêche de lier la menace générale sur le cas particulier. Exemple, les Khawarij qui traitaient de mécréants certains compagnons et ceux qui sont coupables de grands péchés. Malgré leur confusion, nous ne trouvons aucun compagnon qui les a jugés mécréants, mais ils étaient unanimes quant au fait de les combattre. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, les Khawarij étaient les plus manifestes dans l'hérésie et le meurtre des musulmans et l'excommunication de la communauté. Mais les compagnons ne les jugèrent pas mécréants, ni Ali ibn Abi Talib, ni autre que lui. Mais ils les jugèrent musulmans injustes et transgresseurs. Et pour le quatrième, celui qui le fait par effort de justice, celui-là est pardonné et excusé, et récompensé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le juge fait effort de justice et se trompe, il a une récompense. Comme ce fut le cas pour Omar ibn al-Khattab, Mu'adh ibn Jabal et d'autres, comme nous allons le voir inshallah. Référence Qawa'id fit Takfir Abu Basir. Pas comme disent les savants gouvernementaux qui effraient les étudiants au sujet du takfir, au point que les tawarites arabes, qui gouvernent par autre que la loi islamique et veulent une autre loi que la loi de l'islam, ne sont pas des mécréants. Et ils s'abstiennent même de juger celui qui insulte Allah mécréant. Nous nous innocentons auprès d'Allah de ses égarements et nous lui demandons la protection contre cette ruse.